Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel. Bonjour Danny. Salut Michel, on va parler un peu de tournoi senior qui avait lieu en fin de semaine à Chibougamau. Oui, non, dans le fond, c'est un tournoi pour les 50 ans et plus. Okay. En formule, en équipe de trois. Meilleure balle des trois. Mm. Les grands gagnants étaient l'équipe de Guy Tremblay avec moins 6. On avait 15 équipes, donc 45 joueurs qui ont participé. C'est une belle formule, c'est apprécié des vétérans du club. Puis c'est très social, fait que beaucoup d'ambiance, une très belle journée. OK. Donc, c'était pas mal le fun. Pas mal les mêmes inscriptions que les autres années. Ça se ressemble pas mal? Ça se ressemble beaucoup parce que, comme on dit, là, les vétérans demeurent encore nombreux. Ouais. Puis, ils s'en rajoutent d'année en année dans les 50 ans et plus. Okay. C'est une formule qui est populaire, donc toujours une bonne participation. OK. On va parler maintenant de ce qui se... De ce qui s'en vient pour la prochaine saison? Ben, dans le fond, les prochaines activités pour la fin de la saison, en fin de semaine, on a une Coupe Ryder. Ah ouais, donc, 27 roues. On devrait avoir deux équipes d'approximativement entre 20 et 24 joueurs. Okay. Et c'est trois fois notre roue en trois formules individuelles. Ça aussi, c'est bien apprécié parce que c'est pas la même chose d'un trou à un autre. Et la température devrait être bonne en fin de semaine, donc on attend une bonne participation. Ouais. Et après ça, on a encore trois événements pour le 12 septembre, une mafia. Le 19, ça va être le tournoi du président en équipe de deux. Et le 26, on va avoir un quelques tours de fermeture avec des équipes pigées. Donc, si la température est au rendez-vous, comme ils nous annoncent, on attend encore beaucoup de golfeurs et golfeuses d'ici à la fin de septembre. OK. Donc, ça va quand même assez bien pareil. C'est un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Fait que ça va encore assez bien. C'est le mois d'août, on a sorti les statistiques. Là. C'est encore excellent. On est une des meilleures années depuis les 6 dernières saisons. On est très, très satisfaits. Beaucoup de participation, autant chez les membres que chez les visiteurs du secteur. Et les revenus sont là. Donc, on ne peut pas demander mieux. On est très satisfaits, encore une fois, comme on dit. OK. Ben, on se reparle de la semaine prochaine, Michel? Oui, on se reparlera possiblement, peut-être, fermeture puis bilan. OK. Donc, c'était la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel.